Lightning. Lightning, comment vas-tu? Oui, en ce beau 13 mai 2024, quelle émission désopilante et hilarante. J'espère qu'il va la rendre un peu plus haut, un peu plus loin. Alors, on y va avec le générique. Oh non, je voulais commencer par une phrase de j'espère que je ne l'ai pas perdu. Ça, c'est pas l'auteur, ça. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Quoique, ce serait intéressant de. Voyons donc ma souris. Souris, souris, souris, tu es filmé, souris, ok. Ça, on va voir ça ici. Ici, comment ils disent ça? On va aller voir dans. Parlez entre vous, là. Comment ça fonctionne, cette affaire-là, donc? Événement. Souvenir, ok, souvenir. Un souvenir heureux est plus vieux bien souvent que le bonheur. La qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tenter, essayer, échouer même, ce sera votre réussite. Jacques Brel, mais c'est pas lui. Ah, j'avais déjà écrit à un moment donné, en 2000, il y a 5 ans. Complet jusqu'au nouveau désordre. Oui, il crache de loin le vilain petit canard. Ensuite de ça, je dois infirmer que la terre ne tourne pas si facilement. Elle traîne la patte comme un citoyen qui doit payer des impôts. Ensuite de ça, non, mais c'est pas de. Comment il s'appelle? Eh oui, c'est pas Petit Banjo, ça. Oh non. Ok, c'est ça, c'est de Henri Michaud. Depuis toujours. Je compte sur mes nuits pour éclairer mes jours. Oh, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le lundi 13 mai 2024. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis, c'est qu'aérénien. On a débordé, mais c'est pas grave. On recommence pour bien, non? Tout est bon dans le cochon, comme tout est bon dans les rassemblements. Au studio des abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel. Rénald Gagné! Quand tu descends de l'autobus, puis que t'as plus une scène dans tes poches, tu t'assis sur un banc terminus, sors ton rouge à lèvres. Puis tu y vas, tu te beurres la bouche comme que tu peux. Plus que t'en mets, plus qu'ils aiment ça. Plus que t'es beurre, plus qu'ils sont heureux. Tu trouves une petite job comme waitress, comme cigarette girl ou comme danseuse. Ton gros cha-cha ou même topless, déjà tu peux te compter chanceuse. Tu fermes les yeux puis tu y vas. Tu danses, tu te déshabilles, tu te vas. Puis t'essayes de trouver un gars qui va s'apercevoir que t'as du talent. Si t'en trouves un, tu sautes dessus. Accroche-toi, laisse-les pas partir. Puis s'ils te demandent un reçu, marie-les même s'il y a rien de pire. Tu fermes les yeux puis tu y vas. Tu cours après tous les petits agents. Tu cours après tous les petits contrats. Puis tu commences à faire un peu d'argent. S'il y en a une à côté de toi qui minaute puis qui fait la smat, ça que c'est une série de coups de pied. Sans ça tu vas te trouver flat. Tu fermes les yeux puis tu y vas. Il faut que tu grimpes, il faut que t'avances. Si t'es fatigué, repose-toi pas, parce que là t'as plus une maudite chance. faut jamais que tu regardes en arrière. Puis s'il en reste une, tu la descends, parce que t'es pas au bout de ta carrière. Tu fermes les yeux, puis tu y vas. T'arrives enfin au bout du chemin. T'es tout seul, t'es essoufflé, mais t'es là. Il y a plus personne à l'avant de toi. Puis t'es belle. Là, il faut que tu penses au lendemain. Il faut que tu guettes tes arrières. Puis si t'en vois une descente de train, tu l'écrases, puis t'as renvoyé chez sa mère. Tu l'écrases, puis t'as renvoyé chez sa mère. Tu l'écrases, puis t'as renvoyé chez sa mère. Ah, j'adore, c'est bien sûr Michel Tremblay, hein, des paroles de Michel Tremblay, c'est la comédie musicale « Demain matin, Montréal m'attend », la première version qui a été placée entre le 4 hein, et le 23 août 1970, ça a été joué ça au tout début à Terre des Hommes. Au Jardin des Étoiles, la Terre des Hommes à Montréal. Et puis, mise en scène, bien sûr, André Brassard, le bras droit, non, le même pas un bras droit, l'ami, celui qui pouvait comprendre, déchiffrer, amener quelque chose d'intéressant, de brillant, d'extraordinaire, d'exclusif à Michel Tremblay. Et il y avait 25 comédiens sur scène, dont Denise Filiatro, celle qui vient de chanter. Après ça, Louise Latraverse, Louise Forestier, Denise Proulx, Louisette Dussault, hein, la souris verte, André Montmorency, hein, ça c'est dans une autre... Parce que André Montmorency a joué dans une série télévisée de Denise Filiatro. Son rôle, c'était quoi? C'était Christian, en tout cas, peu importe, un coiffeur. Et Claude Gay, qui a toujours joué dans beaucoup de pièces de... Pas toujours, mais il a joué dans plusieurs pièces de Michel Tremblay, dont la pièce de théâtre Demain matin, Montréal m'attend. Ensuite, il y a eu plusieurs versions. Et voilà, c'est un peu ma présentation de cette pièce extraordinaire. Autant que le cirque ordinaire. Nous allons entendre quelques pièces de Demain matin, Montréal matin. Donc, restez... En parlant de rester, reste au pied, Gaétan. Non, Gaétan, parce que je me suis procuré un poisson rouge. Ah, pourquoi pas, hein? J'ai un chien Sheila, toujours propre, parce qu'il sait où il doit aller. Chien Sheila. Ah, un chat. Un chat, ah oui, un chat qui se prend pour Walt Disney. Ah, il veut se faire geler. Ben oui, j'ai dit arrête donc, toi, là. Il reste dans le banc de neige, mais là, pas là, là, pas maintenant, là, pas en ce beau le mois de mai. Mais l'hiver dernier, ben cet hiver, hein, l'hiver qu'on vient de passer, on va s'en souvenir longtemps, il restait dans le banc de neige, lui. Dans le creux de la banc de neige, les pattes dans le banc de neige, la bedaine dans le banc de neige, le poil dans le banc de neige, il voulait pas bouger, puis là, il faisait. Il avait les yeux comme s'il était en train de. D'avoir un plaisir flou. Je vais le rentrer, il va mourir, je l'ai. Puis là, quand il rentre, il voulait me dire, voyons donc, toi, tu veux rester dans le banc de neige, je vais le retirer dans le banc de neige, je vais dire, là, je m'avançais, et mon Seigneur, fait que là, j'ai pris des vidéos, parce que je l'ai envoyé voir le psychologue. Il dit, psychologue, j'ai quelque chose à te présenter, présente les vidéos, et il dit, j'ai jamais vu ça. Oui, là, écoute, je suis un psychologue. Depuis ma sortie de l'université, il y a quelques années, là, je suis très généreux, pour ne pas dire des siècles. Et j'ai c'est un chat qui veut être gelé. Quoique, il se rapproche de plus en plus des humains, hein. Les chats attrapent des grippes ou des rhumes, je sais pas comment t'appelles, et puis ont même des problèmes psychologiques. Comme les humains, ils se sont tellement domestiqués. Puis là, depuis la légalisation de la marijuana au Québec, ben là, les chats aussi veulent être gelés. Mais eux, c'est de la version, hein, parce qu'il y a la version propre et figurée. Mais eux autres, c'est dans la version propre. Être gelé. Dans le banc de neige. Bon, l'autre version, vous savez c'est quoi, là? C'est, ouais, monsieur, il y a Michel, comment, pas Michel Tremblay. Mais Claude Michel, qui avait dans les années 70 une chanson, c'est « Fume, fume ta marijuana ». Ça n'a pas été très, très popularisé, celle-là. Aujourd'hui, ça pourrait être l'hymne national des poteux. Pas des joueurs de pas au golf, mais au mini-pot, là. Des poteux, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un poteux au mini-golf, hein, au mini-pot? C'est quelqu'un qui entre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? En tout cas, je me lance, là. Rattrapez-moi pas, surtout. C'est quand on arrive à faire un trou d'un coup, un poteux. Je dis ça le même, là. Non, si vous avez vraiment la définition là, des gens qui jouent aux potes, pas aux potes, qui jouent aux mille potes. Hey, ça, c'est mille pattes, hein? Mille potes, mille pattes. Ah ouais, donc Laval, ça mille potes, c'est toujours plus bandant, c'est toujours plus bandant. Mais, voyons donc, c'est au mini-golf, là. Oui, comme je l'ai dit tantôt, au mini-potes. Mais aussi mini-golf. Je ne sais pas si c'est la même chose. Hein. On va dire que c'est à partir de ce soir, là, hein, en ce beau 13 mai 2024, on associe mini-pot à mini-golf. C'est synonyme. C'est synonyme. Hein, quand tu diras là, cet été, chérie, veux-tu venir au mini-golf? Là, elle ne dira pas. Là, elle va dire, ah, ben, OK, j'ai écouté Renseigne Nadienne. OK, mini-golf, c'est mini-pot. Oui, je veux aller au mini-pot, mais pas prendre de pot. Ah, tu as le droit. T'es pas obligé, c'est pas parce que c'est légal. Et boire de la boisson gazeuse, c'est légal, t'es pas obligé d'en boire. L'eau du robinet, c'est légal, t'es pas obligé d'en boire. T'es obligé de rien. Tu es ton propre Dieu, ma chérie. Ton propre Dieu. Quand j'ai dit ça, elle vient des yeux dans Grace Dubin. Tu sais, la belle Grace Dubin, là, ou de Favola, mais j'ai jamais vu, entendu quelqu'un dire, elle t'a les yeux dans la Grace de Favola. Parce que d'un, c'est dur à dire. Aujourd'hui, on n'est même plus capable de dire les prénoms au complet. Mon fils s'appelle René Michel. Puis il y en a qui l'appellent René, l'autre Michel. Là, René. Et monsieur. Rénald. On ne m'appelle jamais Rénald. Oh non, jamais Rénald, même lorsque je fais la mise en scène des pièces de théâtre. Oui, du grand Yvon Deschamps, parce que je fais la mise en scène de théâtre. Ah, ben oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quel théâtre? Le théâtre de la vie. Et donc, les comédiens, les comédiennes m'appellent Ray. Puis les plus intrépides m'appellent Ray. Dans aucun des cas, je réponds. J'ai un prénom. Mes parents ont travaillé très fort à me trouver ce prénom. Pourquoi diminuer un prénom? Je suis déjà assez diminué moi-même, là. Ah oui, c'est ce que... Ah oui, c'est que mes proches me le disent. Mais je me suis toujours, après ça, j'ai dit, pourquoi ces proches-là sont à côté de moi? Je les ai éloignés, donc j'ai plus de proches. Ah, mieux vaut avoir des éloignés que des proches qui... Hein, les gens sont prêts à te cracher dessus, puis ah... Puis, mais il y a un dicton qui dit... Qui crache au ciel le reçoit sur le bout du nez, c'est à peu près ça. Qui crache au-dessus de lui le reçoit l'après-midi. Ça dépend s'il crache la nuit. Est-ce que pendant toute la nuit, ça va rester en haut? Puis là, à un moment donné, le jour, ping, ça va tomber sur le nez. Mais là, j'ai jamais vu de la bave, des postillons rester comme ça dans les airs très longtemps. On appelle ça la gravité. Puis si vous connaissez pas ça, c'est très grave. Mais il n'y a pas de gravité dans grave. Mais il y a quand même une certaine un questionnement sur votre culture. La culture, c'est pas uniquement musicale, théâtrale, picturale, rénale. Non. C'est aussi hein, les connaissances générales. Les sciences humaines, humides, en été, hein, quand tu ouvres ton grévis. Et tu recherches vraiment la signification d'un mot. La gréviste, c'est pas ça, c'est les virgules, les points, les traits, moi. Et puis après ça, ben là, t'as quoi? T'as le dictionnaire. Bon, le dictionnaire, il y a deux dictionnaires là, qui se tiennent. Aujourd'hui, je sais pas si ça fonctionne encore avec Internet et tout ça. Mais à une certaine époque, il y avait les deux dictionnaires. Soit Larousse, soit Robert. Quand tu étais au primaire, c'était Larousse. Quand tu commençais à aller au collégial, fin du secondaire, on te conseillait fortement le Robert. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus précis. Je veux pas dire non plus que Larousse, là, c'est de l'enfantillage, bien au contraire. Quand on ouvre un dictionnaire, c'est pour, bien sûr, s'alimenter l'intellectuel, hein, la matière grise de connaissances. Puis on en manque, genre, on n'a jamais trop de connaissances. Puis moins on a, hein, moins on connaît de choses, plus on l'étale. Ça, c'est, on dit ça là, dans les discussions de fin de semaine, en mangeant des biscuits trempés dans le lait, des biscuits sociaux. Non, c'est quoi, voyons donc, j'en vends. Moi, ben, j'en vends pas, moi, personnellement, là, sinon, je vendrais jamais ça, ces affaires-là. Ah, bon, on va aller des biscuits secs. Quoique, ça ramollit dans le lait. Mais je vous conseille, prenez du lait au chocolat. Mais je préfère le en poudre. Pas le... Non. Vous rajoutez du lait, là. C'est délicieux. Votre biscuit qui a l'air banal devient rénal. Ta-la-la! Oui. Ça me rappelle l'année dernière, en juillet. J'étais dans la forêt québécoise. Et on m'avait raconté qu'il y avait là des serpents venimeux, pour ne pas dire venimeux, qui étaient prêts à nous mordre pour nous donner la mort. Et là, j'étais prêt, moi, un peu comme un moine, hein, à prendre le venin et en mourir pour histoire de vivre. Bien sûr que quand, là-dedans, là, quand je dis vivre des sensations, c'est la dernière sensation, là. Tu te fais mordre par... Hein? Donc, ce serpent, est-il réel? Est-il imaginaire? C'est ce que je me posais comme question lorsque j'ai décidé de prendre mon sac à dos et de m'en aller marcher dans les forêts québécoises. Plus précisément à Québec. Plus précisément à Limoilou. Je prends un petit sentier, il y avait une quinzaine d'arbres. Oh, ça, c'est une méchante forêt. Je vais peut-être avoir un serpent à sonnette. Comme lui, là. Vous l'entendez, hein? Il y a peut-être un petit dent. Hein? Au bout des dents, là, il y a ce nectar qui veut pénétrer dans votre peau pour vous donner la mort, comme je l'ai dit depuis tantôt. Faut faire attention, c'est pas juste des reptiles. Il y en a deux pattes qui se promènent dans la rue et qui veulent, dans leur discours, cracher leur venin. Oh, que c'est vilain! C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. C'est la fin. Ça arrête de même, madame. Ouais, faut être prêt. Hein? Faut avoir le capuchon levé, puis... pardon? Le capuchon... Non, je veux dire la console ici, là. Ah, vous connaissez pas ça? Bon, je peux... Ben, ça dépend de chaque console, là, sa façon de fonctionner. Moi, c'est à base de capuchon. Et puis, oui, il y avait le capuchon, mais tu dois baisser le... OK, ça vous intéresse pas. Non, vous avez le droit de vous dire, écoute, Renal, là, les précisions, c'est pas... Nous, on est là pour écouter, hein, pour s'écraser et se faire plaisir. Mais pour le moment, le plaisir, comme le chantait... pour le plaisir, comment qu'il s'appelle? Ton nom, là, là, pour le plaisir, pour le plaisir. Le Normand. Philippe Lenormand. Claude Lenormand. Philippe Lenormand. Voyons donc, oui. Le gars là, qui, en plus, est aviateur, là. Patrick Normand. Non. Ne laisse pas passer. Non, c'est ça. D'accord. Normand. Il y a ça, Normand. Appelez-moi Renal Québec. Ouais, appelez-moi Renal Québec à commencer à l'omnipocom. Appelez-moi. Hein? Comment on peut t'appeler une adresse courriel? Non, mais écoutez, aujourd'hui, en 2024, on peut tout faire. Il n'y a aucune limite. Appelez-moi à Renal Québec à commencer à l'omnipocom. Appelez-moi. Oui, mais on ne comprend pas ton adresse. Prends ton temps. OK. Renal Québec. RAYNALDQUEBEC A commercial. C'est quoi A commercial? Vous savez, c'est le A bizarre, là. Un peu comme, voyons donc, dans la musique, là, une clé de sol. Mais c'est pas une clé de sol, mais c'est comme une clé de sol. C'est la boule de la clé de sol, mais il mettait pas la barre, lui, en tout cas. Et puis, Hotmail, HOTMAIL.com. Bon, est-ce que c'est assez lent? C'est comme une dictée, hein? La dictée de Bernard Pivot, là. Ah, avant ça, Bernard fait une lecture, là, d'un texte. Puis après, là, c'est du sérieux, il prend son temps. Il faudrait que j'en fasse des dictées. C'est vrai, c'est plaisant. Des fois, c'est. Ça nous diminue. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai mis juste un M à comment. Ah non, mais j'avais plus assez d'encre. Hein? C'est ça. Monsieur le directeur, c'est vous qui analysez, Oui, vous faites le compte rendu? Bon, ben c'est parce que j'avais pas assez. C'est un M, mais vous ne voyez pas l'autre M? Non, c'est trop collé. Il en manque un? Bon, il est parti, hein, parce que j'en avais mis deux. S'il est parti, là, cherchez-le. Ben, fermez l'établissement. S'il vous plaît, je vous demanderai de fermer l'établissement à double amour. Et puis, à demander, là, vous avez un. Oui, des haut-parleurs. Demandez donc. Si on voit un M passer, qu'on l'arrête, puis qu'on vienne me le mettre sur ma feuille, s'il vous plaît. Je ne suis pas un faux. Non, je ne suis pas un excentrique. On met toujours, hein, c'est bizarre, on met toujours l'excentricité dans la folie. Ben, en tout cas, je suis peut-être un frère d'Antonin Artaud. Je ne suis pas Marteau. Quoique le génie, quand ça a des marteaux, ça rend marteau. Non, t'as plus Gainsbourg dire quoi? Le génie, quand ça. Le génie, quand ça. Mon doux, comment ça va? Comment ça va? Quand le génie des marteaux, ça rend marteau, voilà. Bon, c'est presque intéressant. Là, après 10 fois, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de répétition. Non, on le sent, on le sait, puis on le sait. On le sait, puis on le sent, ça sent quoi? Ben, écoute, on ne voulait pas te le dire, là, mais ça sent l'amateurisme. Oh! J'aime bien ça, mais avec un effet, ça donne quoi? Amateurisme. Non, mais mets le mot en haut. Amateurisme. Non, en tout cas, c'est presque réussi. non, mais un gars qui est vraiment en contrôle de la situation. Moi, vous n'étiez pas là, hein? Vous savez pas ce qui s'est passé avant d'entendre le générique. Je pars le générique, même pas d'écouteur de brancher, rien. Je m'en vais en direction de mon beau sofa. Parce que j'ai un sofa, hein, genre de, mais c'est, il sert pas de, pour se déposer les foufounes. Non, ben non, il y a trop de choses dessus. Moi, là, mon appartement, là, tout ce qui doit servir aux usages normatifs, dans mon cas, c'est pas le cas. Ah, mon... Puis vous allez peut-être m'apprendre à danser le podka. Dans mon cas, c'est très présent, le podka. Mais quand je m'en vais dans un bar, je demande un podka, pas de glace. Parce que je sais que la glace, ça dilue la podka. Et quand tu bois de la podka glacée, c'est comme une boisson gazeuse dans les restaurants. Faut-tu être assez insignifiant de dire « Ah oui, je vais vous prendre des glaçons. » Bon, si tu fais cul sec avec ta boisson gazeuse, il n'y a pas de problème. Mais si tu attends 5 minutes, elle ne goûtera jamais plus la bonne boisson gazeuse. C'est déjà en fontaine, madame. Même Brigitte, elle n'en prend pas en fontaine. Ah non, non, elle fait pas, elle glorifie pas trop son nom, elle. Elle dit, je m'appelle Brigitte Fontaine, je bois rien en fontaine. Tout dans des bouteilles, tout dans des canettes, même pas les canettes parce que ça goûte, hein, l'aluminium. Même si on dit non, là, je vous fais un test à l'aveugle. Invitez-moi chez vous, là, on va donner mon numéro, mon courriel pour mon numéro de téléphone, ben je pourrais. 418-26, comment? 2-6-7-6-6-6-6-6. Mais RénalQuébec@commercial.com. RénalQuébec@commercial.com. Invitez-moi chez vous. Test à l'aveugle. J'invite mes micros. Moi, quand je m'en vais dans des endroits que je connais pas, j'amène toujours mes micros parce que tout est bon dans l'errance rénaldienne, un peu comme tout est bon dans le cochon. Et puis, ouais, je sais, on doit tout le temps commencer par une musique. C'est ce qui va arriver. Mais je veux juste vous dire que j'avais déjà placé mon générique et j'étais pas préparé à ouvrir le micro que l'effervescence. Tu sais, le petit cœur qui bat, là, le petit cœur ou le gros cœur, avant 9h ou 21h, moi c'est 21h, mais à mon émission n'est pas à 21h, elle est à minuit. Minuit, chrétien. Même si t'es pas chrétien, c'est peut-être mieux. Mais c'est minuit quand même. Que tu sois chrétien, gousse-patette, ou gousse-patette, tu sais pas ce que c'est, gousse-patette, c'est une nouvelle, c'est un mouvement religieux. C'est bien beau, les mouvements religieux, là, ça pousse comme la mauvaise herbe, hein? Ah, mon Dieu! Et puis, donc, ouais, c'est ça, vous avez bien raison. On va passer à la musique, histoire de nous muscler, hein, le tympan. Parce que ce qui va suivre, là, oh! Puis, tu sais, il y a un adage qui dit « jamais 203 ». Donc, on va commencer par la première, puis consécutivement, d'une manière consécutive. J'aime pas trop ça utiliser les mots « ment », tu sais, comme « consécutivement ». Je me demande même si ça existe consécutivement, sans doute. Sans doute. Voulez-vous qu'on vérifie avant la chanson? Vous le savez, vous, hein? Vous êtes étudiante en littérature. Bravo! Bravo! Moi aussi, mais j'en ai perdu. Consécutivement. Mais ça me surprendrait grandement que ça existe. Je sais que vous êtes professeur, vous, madame. Ben oui. Ben oui, consécutivement, c'est certain. Mais moi qui est un grand lecteur, et si quelqu'un vous dit... T'es comme ça dans une soirée, là, que, bon, tu connais pas, mais... OK, on va se mettre dans une situation. Après ça, on va passer à la musique. On n'est pas pressé, là. Bon, on va se diluer la garlotte. OK, t'es invité dans une soirée. Avec ton nouveau compagnon. Bon. Tout va bien. Hein? Bon. Hélène est heureuse. Elle est avec son nouveau compagnon. Mais elle connaît pas les amis de l'autre. Ah, mais elle est ouverte à tout, là. Tu sais, c'est une fille qui a étudié en sciences humaines, donc, puis en psychologie, puis en philosophie, puis elle est prête à recevoir tout ce qui est humaniste, là, l'intéresse. Donc, elle est devant quelqu'un qui veut se rendre intéressant parce qu'il ne l'est pas. Appelons-le Rénal Gagné. Bon, comme ça pour rire, là. C'est drôle, là, Rénal Gagné. Oui, je sais que c'est moi, mais c'est pas grave. Alors, et puis là, Rénal Gagné, t'arrives, là, puis trouve de son goût déjà là. Là. Même s'il sait que tu es avec un jeune homme qui vient tout juste d'être l'amoureux de vous, de la mademoiselle. Comment ça sent pas la blague? Non, non, c'est une histoire, là. On se met dans la propos. Donc, moi, je te trouve mignonne, j'arrive vers toi, puis là, tu me poses comme question, aimes-tu la littérature? Et moi, j'arrive, ben oui, j'aime la, oui, oui, oui. Et là, c'est là que ça se gâche. Quand t'entends dire, ça vient de ma bouche parce que je suis un personnage, là. Oui, je suis un grand liseux. Quand elle entend liseux, le mot niaiseux apparaît, là, tu sais, en néon bleu, un peu comme dans les bars à New York, là, qui clignote, niaiseux. Niaiseux, niaiseux. Fait que, quand tu veux jouer le rôle d'un intellectuel et tu ne l'es pas, reste donc toi-même, ça va sortir beaucoup plus intelligemment et brillamment que si tu essayes de tricoter des mots qui n'existent pas. Et déjà, l'école, c'était une vraie passion pour tes grâles, c'est la cuir noir avec des bouts pointus. Tu connais la musique, tu n'aimes pas que celle, la belle, les cafés tabac parisiens. Si ta grand-mère est paysanne, tes pieds ont résonné plus d'une fois sur le pavé des rues quand tu chantais à tue-tête des errants. Dans cette même soirée, donc, c'est une belle. Non, non, ça s'annonce bien, là. C'est dans un quartier que tu connais pas. T'es avec ta douce aimée qui vient tout juste de te coller, là, de t'aimer. Tu sais, c'est nouveau. C'est... Yo, faut dire, Languérin, dans son émission il y a quelques années, Par quatre chemins, et je vais le redire, c'est Par quatre chemins. Excellente émission qui n'existe plus, malheureusement. Pourquoi? On sait pas. Moi, je le sais. Ben oui, regarde-moi, tu es Joe connaissant. Non, non. Ouais, ben, tu es Joe connaissant. Merci, mais je suis pas trop connaissant. Mais je crois savoir pourquoi l'émission de Jacques Languérand Par quatre chemins n'existe plus. Bon. OK, pourquoi? Jacques Languérand n'est plus de ce monde. N'est plus de ce monde. Il n'a jamais été dans notre monde, Jacques Languérand. C'est un homme qui voyait ailleurs, qui était dans une autre dimension et ça fait de lui, excusez-moi si je parlais au passé, il n'est pas mort. Monsieur Grenier? Oui. Monsieur Grenier? Ouais. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Mais non, ce n'est pas Grenier, mais Gagné, mais peu importe le nom, le prénom, c'est moi. Est-ce que je peux tousser? Ben, si vous voulez, ben, c'est le son et tousser. Non, OK, ça vient de passer. On dirait que j'ai la garlotte un peu... Non, je devrais tousser, hein? Attendez. OK. Alors, oui. Il est décédé... Oh. Quand? Ah, il y a de cela presque une année et demie. Oh! Donc, dans son émission, que j'écoutais avant sa mort... parce que j'ai jamais écouté des émissions après sa mort. Et c'est normal, Monsieur Grenier, il ne faisait plus de radio. Et hey, toi, là? Excusez-moi, c'est moi le titre connaissant. Ben oui, je le sais, mais ça m'emmerde un peu. Ben, en tout cas, peu importe. Peu importe les problèmes. Jacques Languirand! Ben, je l'écoutais. Quand il s'est mis à parler de l'amour et surtout de la passion, au niveau scientifique, c'est une platitude incroyable parce qu'on vous dit qu'on sécrète. On sécrète quelque chose quand on est en amour qui attire l'autre. Donc, c'est comme de l'automotivation de sécrétion. Tu sais, t'es deux personnes, là, tu te trouves charmant, bien, puis là, tu sécrètes, elle sécrète, nous sécrétons, vous sécrétez, elle sécrète. Il n'y a pas de secret là-dedans, c'est de la sécrétion, il paraît. Et je voulais étudier ces sécrétions. C'est exactement. Et puis donc, là, tu sais, c'est tout est chimique, il paraît, dans l'amour. Ça, on dirait que il n'y a rien de poétique, il n'y a rien de charmant, il n'y a rien d'enveloppant quand tu dis que tout est chimique dans la poésie, pas dans la poésie, mais dans l'amour. Donc, en un mot, c'est une question de sécrétion. Alors c'est quoi que j'appelle? Chaque fois je remets. Quand j'écoute les Rita Mitsuko, je trouve sincèrement qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de dépassé. Tout est très actuel à travers la musique, à travers les mots, à travers la voix de Catherine Ringer. Et saviez-vous que Frédéric Chechen a un frère qui a écrit un livre sur son frère? Là, il y a trop de frères. Oui, je comprends que tu dis qu'il y a un frère. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Frédéric Chechen. Frédéric Chechen. C'est qui, ce Frédéric? Je vous l'ai dit, Rita Mitsuko, c'est deux personnes. C'est deux artistes, deux entités. Catherine Ringer et Frédéric Chechen, alias Fred Chechen. Oh! OK. Bon, mais Fred Chechen, Frédéric Chechen. OK. Fred Chechen, Frédéric Chechen, c'est les mêmes Chechen. C'est juste ça. Et puis, il y a un frère, lui. Son frère a écrit, ou a surtout des photos de son frère, Frédéric, mais aussi Gainsbourg. Gainsbourg a écrit... C'est clair! Non, c'est parce que... Attendez un peu, moi, tout de vous raconter ce qui s'est passé. J'ai reçu sur Facebook une invitation du frère de Frédéric Chechen. Bon. Et puis, il m'a dit, il me reste que 400 exemplaires d'un livre que j'ai écrit sur mon frère. Et c'est Gainsbourg qui s'est... pas improvisé, mais en tout cas, qui s'est offert pour être journaliste. Histoire de raconter le guitariste qui était Frédéric, mon frère. Et là, genre, c'est intéressant. Mais là, je voyais là, le filon. Moi qui m'en vais à Paris dans quelques semaines, j'ai vu le filon. J'ai dit, mon champion numéro un, frère de l'autre. Écoute bien. Puis là, c'était difficile pour lui parce qu'il était en train de faire la lecture. Moi, je lui parlais pas. Tu sais, écoutez, quand tu lis, c'est... J'ai dit, lis-moi bien! Je me suis repris. Tu sais, je suis comme ça, moi, je me reprends souvent. On n'est pas, hein? Nous sommes des humains à deux pieds et à deux mains. Non, restez là, c'est pas deux mains, là, mais deux mains. Et écoutez, je vais vous prendre deux livres qui sont sans doute à compte d'auteur. Donc, je vais vous prendre deux livres, peut-être trois, dépendant du prix. Si vous me faites une bonne proposition, ça sera trois. Et je veux vous rencontrer à Paris lors de mon passage, parce que je fais une émission qui s'appelle Errance Rénaldienne, et vous serez un de mes invités, peut-être pour deux semaines, ça dépend si vos propos sont... Si votre discours est à longue durée ou à courte durée, hein, c'est sûr que si quelqu'un parle 25 minutes, je ferai pas deux émissions de deux heures. Hein? Mais si vous êtes comme le bon beurre, hein, et que dans la poêle, lentement, vous vous répondez, très cher ami, nous ferons peut-être un grand succès, 3-4 émissions. Qui sait? Et pendant ce temps-là, au lieu de me l'envoyer par le courrier, vous amènerez vos livres et je vais vous les acheter. Ah! Intéressant, hein? Là, vous demandez, est-ce qu'il a eu la réponse? Oui. Oui, j'ai eu la réponse, mais là, je vous dirai pas oui s'il a dit oui. Ça, ben le reste, ben... Je peux pas trop divulguer ce qui va se passer parce que le contrat est pas signé, là. Ben oui, mais tu signes pas de contrat. Non, mais j'attends quand même un OK vraiment officiel. Mais là, c'est officieux. Il était intéressé. Ils sont parfaits, l'un pour l'autre. La route... Merci. C'est beau, hein, la fin. Pouf. Mais là, j'ai coupé la fin. Donc, on va essayer de respecter la fin. On y va. Hey, vous pouvez danser, hein, c'est gratos. On y va. Je dois pas, toi, m'appeler la police, ils vont t'embarquer. Ah, ils m'ont déjà embarqué. J'ai un dossier judiciaire aussi épais que ton aide, mon champion. Bon. Aujourd'hui, je reçois un auteur, compositeur, interprète, Pierre Fat, mon ami, et la chanteuse Clémentine. Donc, voici Pierre Fat, l'incontournable Pierre Fat, et Clémentine, à vous, mes amis. En capsule. rien ne vaut, je le proclame. Les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Du glycérohydrate au monoammoniacal, du bichlorhydrate au mylénocovicital, de l'antodioxybase et notocopérol, du crésoxypropanéthiol, de l'aminophène sulfonacovétamide, de l'hexachlorocyclohexanisglycide, de l'acétamine isopropylurbuturique, de l'étamine silamoniocodiphosphorique, de l'acétylamine et phénylacinazole, du crésoxypropanéthiol. En capsule! J'ai vu le concert de Jeanne Chéral, en tout cas, que j'ai trouvé charmant. J'adore cette fille. Voilà. Quelle belle écriture aussi. Ouais. Une écriture féministe, il n'y en a pas tant que ça. Oui, bon, il y en a un peu plus aujourd'hui, mais c'est bien qu'elle soit là. Ouais. Et Voyou, il est connu, Voyou, tu vois qui c'est? Pas du tout, oui. Il est très sympa. Oui, mais il n'est pas connu du tout. Ah ouais, très sympa ce mec. Tu l'as rencontré? J'ai vu sur scène, non, mais j'ai vu sur scène, c'est sympa. Ah, moi j'aime vraiment bien ses albums. C'est sympathique, il y a des bonnes mélodies. Et même la musique, les paroles sont mignonnes, sur les oiseaux, enfin des trucs un peu que tu peux écrire, des trucs de mignonnerie, tu vois. D'accord. Il est très chou. Des kawaii. Il saute et tout. Il est très très mignon. Il fait très bonheur. Ah, je sais pas, il est sympa. Non, ouais, c'était vraiment sympa. Prêt. Salut, il était où? À Radio France. Okay. Un concert sur le studio machin là. Ouais. Il y avait lui, il y avait Hermanos Gutiérrez, deux guitaristes équatoriens et suisses. Hermanos Gutiérrez, vachement bien. D'accord. Et une nana qui s'appelle Gabi Hartmann. Ah oui, bien sûr. Jazz. J'aime pas du tout. Mais toi, t'étais là. Moi, j'ai un peu public. J'étais invité. Ok. Et c'est intéressant. Et pour Vaillou, c'était vraiment sympa. Et la Gabi Hartmann. Ouais. Sur l'album, il y a une reprise qui est sympa, mais parce que je l'avais écoutée. Là, ça me revient pas maintenant. Ouais, c'est bon, pas enfin. Bien. C'est pas bien. Mais c'est, c'était assez conventionnel. Et on est d'accord. Voilà. C'est entre Kerenan et. Oui. Pas des voix, tu vois. C'est vrai. Mais Karen Anne aussi, elle est excellente. Bah moi, je l'ai vu sur scène aussi, bof. Bah, ouais, quelque chose s'est délayé. Ouais, il y a un truc délité. Moi, j'ai vraiment été assez séduit au début, démarrage, par la biographie de Lucas Philipsen, La Disparition. Les premiers albums, j'étais vraiment séduit. Et puis après, je trouve qu'il y a quelque chose où il y avait un certain contentement de soi. Ouais. T'as raison. Une forme de snobisme même, ouais, musical. Prétentieux, prétention. Quelque chose où I'm Karen Ann and you're not. Quoi. Ouais, est-ce que tu connais Françoise Brun? Oui, bien sûr. Extraordinaire. Ben, beaucoup plus intéressante à mon avis. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est suisse. Hein? Elle n'est pas belge. Ah, peut-être. Ouais, j'hésitais à... Attention. Comment elle s'appelle, hein? Françoise? Françoise Brut. C'était la fiancée de Dominica à leur tout début. Voilà, oui. Ils ont démarré ensemble sur le label Zanzibar. Lithium. Ils ont fait une chanson, hein, qui a fait Zanzibar. Et après, The 22 Bar? Ah oui, exactement, merci. Oui, c'est ça. Le premier album en plus de... Ouais. Ouais. Et... Une fois, on s'était retrouvés sur scène en Hollande avec Pet Hormone avec elle dans une tournée. Et elle était très agréable, en plus de son talent, ce qui ne gâche rien. Mais ce qui est bien, lorsqu'elle monte sur scène, c'est très underground. Hein. C'est très peu éclairé. Il y a beaucoup de. Ça ressemble un peu à du Escher. Oui, mais elle est assez. C'est une personne assez timide et effectivement, c'est pas le. genre la célébrité, tu vois, la personne qui veut être absolument dans la lumière. C'est une créatrice et elle aime chanter, elle aime ses chansons, mais... Oui, c'est un peu ça, c'est ouais, son tempérament. Ouais, ouais. Et la chanteuse Zao de machin, là, bon, t'aimes bien? Moi, j'ai des réserves. Tu vois qui c'est, comment tu appelles? Zao de Sagazan. Zao de Sagazan. Ouais. C'est... Ça te, ça, tu entendras. Oui. Ouais. Ah, je pensais que tu allais dire que tu ne parles pas grand-chose. Non, je pense qu'elle à toi a, Dieu. Elle a une voix pas spéciale. Ça, enfin, la voix est pas mal, non? Oui, elle roule un peu les airs, tout ça. C'est... Mais, elle vient de Montréal. On sait que les gens de Montréal roulent non, les airs. Non, elle n'est pas de Montréal. Enfin, c'est la conclusion, je pense. Oui, c'est vrai. Ben, c'est très bien organisé, tu sais, c'est le label Because, ils sont ouais, très doués pour créer l'appétit. Voilà, ils créent la célèbre. Ouais. Ce qui fait que quand l'album arrive, comme pour Christine and the Queens à l'époque, je compare pas la musique, mais je compare le travail. Oh. Tu vois, le fait que c'est pré-vendu. Quand l'album arrive, ouais, les gens ne savent pas, mais ils aiment déjà. Ouais, c'est vrai. Ma Christine and the Queens, tu l'as vu là sur racontant là qu'elle est tout choquée parce qu'on l'appelle elle. Non, mais c'est pas possible. Ben, c'est-à-dire. Christine and the Queens. Oui, il faudrait surtout qu'elle fasse des chansons plus intéressantes. Il faudrait surtout que ouais, la reine de Spring pour un génie. Quoi. Mais là, oui, elle est mal barrée. Moi, j'ai jamais aimé cette femme. Elle était connue, elle est connue au Christine de Queen, non? Non. Il paraît qu'elle est connue en Angleterre, non? Ah, elle a fait des vraies tournées. En Angleterre. Elle a joué aux États-Unis. Ouais. Il y a eu un vrai éclat international sur le premier album. Ouais. Où elle dansait vachement bien d'ailleurs. Il y a eu un phénomène sur le premier album. Mais bon, là maintenant, elle a un peu paumé tout le monde. Ah bah tout le monde. Ouais. Mais as-tu des projets, Pierre? Eh bien, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière à écrire et à composer un peu pour Clémentine, enfin une quinzaine de chansons finalement à l'arrivée, donc c'était quand même un processus. Et puis j'ai fait des chansons pour Amandine Bourgeois, il y a un album qui viendra plus tard, voilà, parce que là de toute façon elle en a un qui est déjà terminé et qu'elle va sortir, donc c'est pour le suivant. Là on est à mi-chemin, je dirais. Et récemment, on m'a présenté une jeune chanteuse hollandaise que j'ai envoyée vers toi, tu sais, Tess. Oui, que je raconte. Voilà, alors c'est encore un caractère très différent et c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors là, elle est dans un registre de chansons vraiment un peu rétro, fin années 50. C'est très Amélie Poulain, c'est très comme ça. Donc il y a un côté carte postale, mais je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée vraiment intelligente. Elle parle un très bon français. Elle crée beaucoup. Hein. Elle est très active dans sa carrière. Elle revient d'une tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, qu'elle a montée, qu'elle a... Voilà, elle est à fond quoi, dedans. Et ben voilà, on a passé 2-3 après-midi autour du piano, on a cherché des choses. Je pense que on verra ce qui se passe, mais ça, il y a quelque chose. Ben, c'est un autre personnage, c'est un autre imaginaire, d'autres références, et ça me permet. Ces choses-là, moi, de ne pas me répéter, de ne pas être dans des redites. Parce qu'à force, pourquoi j'ai eu du mal à terminer l'album de Paper Moon, là? Parce que j'avais dit tout ce que je pouvais dire dans ce contexte-là. Ouais. C'était dur, voilà. Il restait plus rien. C'est absolument pas contre Iris, hein, qui a vraiment une bonne camarade. C'est son anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. Ah ouais, okay. Mais voilà, on n'a pas d'embrouille, il n'y a pas d'histoire. Mais juste, j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire, vraiment, dans ce contexte-là. Donc, aller à la rencontre de quelqu'un comme toi, Clémentine, ou d'autres, ben c'est, voilà, c'est... Bien sûr, mais tu sors de toi. Aimerais-tu travailler avec elle, mais en solo? C'est-à-dire avec... La chanteuse de Pepe Mo. Je la sens pas sur ce chemin-là. Ok. Je pense que Iris est dans sa vie de maman, dans sa vie où elle est chef de chorale à Compiègne, où elle donne ses cours de chant... Elle est très active, elle est bien dans sa vie, mais okay. Je ne pense pas qu'elle ait une, dès le départ, la nature qui la pousserait vers une carrière solo. Hein. Okay. Ouais. Je pense que si c'était le cas, ça se serait déjà produit. Maintenant, la vie est pleine de surprises. Oui, peut-être vrai, que dans 10 ans, 15 ans, on verra. Hein. Mais crois-tu que si elle envisage ça, elle va venir te voir? Si elle le souhaite, elle est la bienvenue. Je pense qu'elle le sait. Mais à sa place, je pense que j'aurais envie d'autre chose, parce que... On a fait déjà. C'est fait. On a fait 5 albums et 4 EP. Oui, 5 albums, ouais. Bon, voilà. Donc, c'est... On est rendu au bout de ce projet. Ben, peut-être, et c'est pas une chose négative, voilà. On est contents de ce qu'on a fait ensemble. bien. Et toi, tes chansons, est-ce qu'elles sont déjà préparées Non, on est en train de faire plein de trucs. Okay. Là, on bosse avec Robson, c'est un Brésilien guitariste, musicien, enfin voilà. C'est lui qui a fait les arrangements de l'album de jazz. Et donc on fait des chansons, et puis après on lui dit, s'il aime bien, hop, il fait les paroles. Et c'est un peu comme ça. Mmh. Habituellement, hein, ça a été assez rapide. Ben ouais, en fait. Même personnage, il est sorti d'un coup. Ce qui n'était pas... Je pars jamais, tu sais, en disant « Oh, je vous envoie ça dans 2 heures, ouais, machin. Ouais. » J'aime pas du tout ça. Il faut prendre chaque chose humblement parce que à chaque fois, on découvre, on invente, on sait pas. Voilà. Donc, je pars toujours sur la pointe des pieds parce que je me dis, est-ce que je vais trouver une idée quoi. Je suis jamais certain. Ouais. Et puis bon, quelque chose arrive. Oui. Et il y a combien de temps à peu près? Une semaine? Ça dépend. Très rapide, hein. Ça peut être une soirée, hop, tu le lendemain. Ah bon, okay. Oh, alors, t'es inspiré? Oui, mais c'est la question aussi d'avoir des... un petit réservoir de pensée autour de quelqu'un. Ok, ah oh, ouais, je comprends. Qu'est-ce que Clémentine peut porter? Qu'est-ce que sa voix peut colorer, indiquer, personnage, éclairer. Elle plaît aussi à tous les jeunes, hein, parce que même coïncidence, ça plaît aux jeunes. Hein. Tous les Diego Gaël, ça me parle, ça plaît aux gosses. Mais tant mieux. C'est marrant, ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est marrant. Ouais. Et est-ce que ça te surprend quand tu entends des choses comme ça? Ouais, ça fait, c'est toujours plus agréable qu'une paire de claques. Mais je suis toujours ravi quand une chanson passe en radio, quand on... Ça quand passe on sur les graphiques, c'est programmé sur les graphiques, coïncidence. Ah bah parfait. Ce qui est quand même rare qu'il passe des singles, parce que les, ça, et sur Pif aussi ça va passer. Bah, bravo, c'est très bien. RFI c'est bien, hein. Oui. Radio France International. Ouais. Ouais. Le single qu'on a sorti, là, il passe. Donc ça, c'est programmé. Moi, si tu veux, je suis pas quelqu'un qui j'ai jamais couru après le succès pour le succès, mais si je fais quelque chose Et que ça plaît, bah, évidemment, c'est tant mieux. Oui, voilà, c'est un épiphénomène très agréable. Moi, j'aime la création. Voilà. Ce que j'aime, c'est le moment de la création. Ça reste année après année une joie enfantine, pure, innocente, où je saute comme un kangourou chez moi. Je dis, j'ai trouvé un... Ben voilà, c'est cette petite chose enfantine là que j'aime toujours. Et après le reste, bon ben c'est le reste. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Mais tant mieux quand ça marche, bien sûr. Lorsqu'on s'est rencontrés en février, tu devais partir en voyage. Est-ce que tu l'as fait? Oui, j'étais... Un mois en Asie. Oui. Voilà. Et puis? Et puis, il faut que j'y aille plus longtemps, okay. Toujours. Ouais. Mais ça, tu me connais par cœur, hein, tu ouais. sais. Tu es resté longtemps, toi, parfois? Est-ce qu'il t'est arrivé deux de faire mois. Des longs? Deux mois. C'est deux mois. Deux ans de suite, deux mois d'affilée, c'était long. On a fait une tournée de tout le Japon. Et les enfants venaient pendant les vacances scolaires. Bon, c'était long, deux mois. Mais c'était long parce que j'avais une famille que j'avais dans mes gosses et tout. Donc tu as été absolument partout. Tu as été à Hokkaido, des trucs Kyushu. Où les gens ne connaissent même pas. Les Japonais sont jamais allés dans les bleds. J'étais qu'avec des Japonais, donc j'étais assez étrangère. Lumi qui me trimbalait comme ça en étant toutes les deux. Tu as été à Okinawa aussi? Je suis allée au début à Okinawa et je suis retournée. C'est sympa Okinawa. Je ne connais pas encore. Ah, c'est sympa, vas-y. Hein, si tu vas. C'est un peu genre, c'est des vacances quoi. C'est un peu Hawaï. Oui, c'est ça, c'est des vacances. Hawaï, ah, ouais, je ne connais pas. Non, mais Hawaï. Oui, c'est ça, c'est leur Hawaï. Ils vont d'ailleurs en honeymoon là-bas et tout. C'est sympa, Okinawa. Et toi, lorsque tu pars, Pierre, est-ce que tu vas faire les mêmes. Est-ce que tu visites les mêmes endroits où tu veux découvrir? Bah, tu sais, on arrive toujours à Kyoto ou à Tokyo. Enfin, c'est des. Ah, voilà, c'est ouais. les portes d'entrée. Les plus simples et puis les plus merveilleuses aussi. Et après, par contre, là, la prochaine fois, je sais que je veux davantage explorer des préfectures, un peu de derrière les fagots, oui, des choses. Prends-tu beaucoup de photos? J'en prends. Mais le but du jeu n'est pas d'en prendre un maximum. Je prends un moment où j'ai une émotion, un moment où quelque chose j'ai envie de le garder un peu, quoi, d'en avoir une trace pour le garder un peu avec moi quand je rentre. Mais lorsque tu reviens, est-ce que c'est long avant d'atterrir? Là, c'est particulièrement long en ce moment parce que le vol déjà c'est 14 heures au lieu de 10. Bon. Mais pourquoi ça prend 4 heures de plus? On ne vole pas au-dessus de la Russie. Ah ben oui, c'est vrai, ben oui. C'est ah, oui, long. C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est moins stressant. Hein. Oui, c'est long. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais une fois arrivé chez toi dans ton appartement, ça prend combien de temps avant de décompresser? Moi, je suis toujours ravi de retrouver des amis ici, de retrouver mes amis artistes, musiciens. Mon mode de vie ici me va bien, donc c'est pas une douleur infernale. Simplement, et peut-être Clémentine aura plus de choses à dire que moi sur le sujet. Le retour, quand on revient en France, le contraste. Il y a une douceur là-bas qu'il n'y a pas ici. Okay. Une douceur terrible. Ouais, donc ouais. Là, t'arrives, là, tu t'en prends dans la gueule okay, dès ouais. que t'arrives okay. à l'aéroport en fait. C'est très. C'est poli. On avait marre d'ailleurs de ne pas pouvoir y aller. Oui. Quand je suis rentré ici, j'ai tout de suite assisté à quelques incidents violents dans mon quartier. Et je ne parle pas aujourd'hui des émeutes, des choses, mais vraiment des choses à mon Franprix, des trucs dans la vie quotidienne. J'ai senti une tension dans l'air. Et pourtant, ici, on n'est pas C'est Amélie Poulain, ici. Dans une zone qui a l'air d'être dangereuse ou quoi, mais il y a une tension. Les gens sont tendus. Hein. Je pense que c'est plein de choses, c'est lié à l'info. Enfin, je ne suis pas sociologue après, mais disons que voilà, il y a une tension dans l'air. Et je ne la sens pas quand je suis là-bas. Alors, dans toute société, il y a toujours une part de violence, de contrainte. Ouais. Je pense être salaryman au Japon, c'est pas facile. Je pense qu'être une femme au foyer au Japon, c'est pas facile. Mais nous, en tant que gaijin, quand on y va... Attends, la femme au foyer, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est ah elle ouais qui gère l'argent. Ah, intéressant. Non, la femme au foyer, elle est libre. Hein. Ah, mais c'est intéressant, ça, c'est des choses, je et sais c'est pas. C'est elle qui a les trucs de la bourse, on est quand même d'accord. C'est pas le mari, c'est elle. D'accord. Ouais, non, c'est pas si mal. C'est mieux comme c'est mis là-bas dans les années 70. Ah oui. Ah ouais. Ouais. On faisait croire que c'était très très patriarcal, ouais. Mais la femme avait son rôle à dire. Ouais, c'est ça. À dire. ça explose. Bon, moi, en tout cas, en tant qu'étranger au Japon, j'ai l'impression que j'ai les meilleurs côtés du pays. Es-tu d'accord? Bah, je suis d'accord, bah, évidemment. Alors, c'est ce que vous attire là-bas, c'est le mode de vie qui n'est pas le même. Puis ça, tout marche bien, enfin, ça, tout marche. Enfin, je ne sais même pas comment dire, tout. Oui, mais un escalator, ça marche. Il n'y a pas de problème ou de rien. De, voilà. Et les trains, ils arrivent à l'heure. Hein? C'est vrai? Oh. C'est pas, c'est fluide. Du coup, tu es tranquille, tu sais, parce que tu sais que les choses vont bien se passer. Tu n'as pas peur qu'on te vole, tu n'as pas peur de... Ok, la violence est... Il n'y a pas de violence, enfin, ils sont violents, les Japonais, mais c'est pas là. C'est sous-jacent. Ah ouais. Ou alors c'est professionnel. Après, c'est les Yakuza, après, c'est autre chose. Non, voilà. C'est les mecs tatoués. Voilà, mais là, c'est un job. Et même ça, je suis sûr qu'en fait, ils ne le font pas de la même manière qu'ici. Chose extraordinaire s'est produite. J'étais dans un café à Omotesando Hills, ouais. Et je prenais mon déjeuner et un garçon japonais est venu s'asseoir à côté de moi et m'a parlé en français. Hein, alors là, c'est un ovni, quoi. C'est une soucoupe volante qui est descendue. Timide, hein. Voilà. Ouais. Oh. Il était étudiant en philosophie. Il étudiait Merleau-Ponty notamment. Ouais. Moi, je connais à peine. Déjà, ouais, donc, ouais. Voilà. Le nom. Oui, mais c'est un philosophe qui est un peu démodé, parce qu'il y a aussi des modes hein, dans, chez ouais. les penseurs, comme ça, en France, on n'en parle pas énormément ces temps-ci. Enfin, mais apparemment, il est toujours... Dans les 70, c'était 80 ans. Et bon, voilà. Parce qu'il t'a entendu parler français. Mais je ne parlais pas, non, j'étais seul. Oui, je ne parle pas encore tout seul. Il avait une tête de français. C'est pas comme moi. Il avait une tête de français. Oui, ça doit être ça. C'est ça, bah, t'as une tête de français. Ah, ouais. Bah, c'est-à-dire, j'avais ma marinière, ma baguette sous le bras. Ah, bah, et le béret. Le béret, c'est ça. Vive la France, une tour de sang, vive la France. Mais tu veux passer inaperçu. avec le dossard, tu crois que les gens... Non, mais des fois, alors, on parle des fois, tu sais, de touristes qui ont des comportements embarrassants. Donc, parfois, moi, j'ai vu des touristes français qui avaient des comportements qui m'embarrassaient. Voilà. Ils sont très mal polis. J'ai vu passer des petites scénettes, des petites choses. Je me disais, bon, bah, parfois, on critique les touristes, etc., mais on peut balayer devant notre porte. Il y a certaines personnes, il y a des Français à l'étranger... Ouais, ouais. Limite. Ok. Ouais. Et ça se voit si c'est un Français. Ça se voit. Mais ça se voit physiquement. Ils se voient les Français, je sais pas pourquoi. Question de style, question. Ils sont pas sympas. Ouais. Un peu désinvolte, quoi. Et puis pas toujours. Parce qu'en face, on a des gens quand même là-bas qui sont très éduqués, très polis, très courtois. Et ils se mettent pas au diapason. Ouais, non, ça peut aucun effort. J'ai 10 questions à te poser parce que Pierre les connaît. Bien sûr. Donc, j'ai juste hâte de voir où ça va nous amener. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Quelle langue je serais? Oui. Oh, l'espagnol. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. Je sais pas dans l'ordre. Un aliment, qu'est-ce que j'aime? Un abricot. Il visualise. Hein, c'est intéressant. Un liquide. Hein? Un liquide, si tu étais un liquide. Un liquide. Bon, de l'eau. Aguas de Mars. Ah ouais. Si tu étais une ville. Ville. Paris, allez. Quel arrondissement? 16. Ok, c'est là où tu habites? C'est là où je suis né. Ah ok, ah ben oui. J'adore. Si tu étais une époque? Une époque? 70. Parce que c'était... Parce que j'étais petite, du coup, c'est ma sœur qui a connu, tu vois. J'aurais aimé, voilà, avoir 15 ans dans les 70 ou 20 ans, quoi. Si tu étais une saison? Printemps. Pour la... Ouais, c'est la renaissance, tu vois, c'est le renouveau, c'est beau Japon, printemps, c'est magnifique, les cerisiers, c'est magnifique. Mais, alors, c'est être au printemps, mais à un endroit précis. Au Japon. Au Japon, ah ouais. C'est tellement beau. Si tu étais un membre corporel... Un membre du corps? Oui. Hein? Le cœur. Oui, c'est sûr que ça peut vite s'arrêter. Bah oui, je le sais. Je sais de quoi je parle. Ah oui, t'as... On m'a opéré il y a un an. Oh. On m'a changé la valve. Ok. Voilà. On m'a mis une oreille de cochon. C'est vrai, mais c'est ça. Mais est-ce que ça va mieux, oui? Ah bah ouais, putain, j'étais fatiguée, ça va super. Et si tu étais un moment de la journée? Le matin, j'adore. T'es une lève tôt? Ouais, très tôt. Et tu te couches tard? Non, tôt. Ok. Je me couche tôt, je me lève tôt. À 6h, quoi, je me réveille à 6h. Oh, ok. Et je me mets le petit déjeuner au lit avec mon livre, j'adore lire. Ouais. Oh, c'est bien, le petit déjeuner au lit. J'adore. Préparé par toi-même? Par moi-même. Et je le prépare à mon mari et au chien. Ce matin, il l'a eu au lit aussi, au service. Mais voyons. Belle vie. Je veux dire, il est content. Hein. Si tu étais un autre individu? Si tu étais un autre individu, qu'est-ce que je serais comme individu? C'est-à-dire une femme ou un homme? Oh. Je pourrais être comme un individu. Un pianiste. Connu? Non, un pianiste. Le jazz. Oui. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ouais. Ouais, c'est rigolo. Amoureux puis artistique ou si... Amoureux, peut-être j'aurais pas choisi le mari, mon premier mari, je sais pas, c'était un peu une erreur, mais bon, en même temps, je sais pas, j'aurais fait la même... Oui, peut-être pas amoureux, mais artistique, oui. Okay. Mais ouais. Et tes projets? Bah, mes projets, là, c'est lui, hein. C'est... sur lui, parce que... Oh, quelle pression, non, parce pas que moi, parce qu'en plus, oui, non, mais il y a les Japonais, tout ça, ouais. Ouais, avec lui... Parce qu'en plus, il fait des mélodies qui sont sympas, hein. Il fait des chansons paroles et musique, donc... Il y a des chansons qu'on va prendre à toi en entier. Hein. D'ailleurs, j'ai fait la liste. Pierre, est-ce que, oui. Tu, est-ce que tu écris au piano avec un crayon à côté ou tu... Non, là, je compose d'abord en général. Okay. J'écris sur la musique. Ok. Voilà. Donc, ce qui est vrai avec les musiques de Robson ou d'autres ou de China, la coréenne ou d'autres gens, c'est toujours comme ça. L'inverse de Julien Clerc qui compose sur un texte. Ouais. Ah ouais. Et donc, c'est quand moi j'ai une musique, quelque chose me vient dans les doigts, j'entends une petite mélodie dans ma tête, je cherche, etc. Et dans la musique, il y a une idée, il y a une image, un état d'âme, ou plus rarement une histoire. J'aime bien des chansons qui racontent, tu sais, comme dans les chansons de Leonard Cohen, où il y a un début, un milieu, une fin, des chansons vraiment cinématographiques. Mais ça, c'est dur à faire. Ça, c'est vraiment... C'est bien, hein. Moi, quand j'y arrive... Le déjeuner en paix, c'était bien, parce que c'était il raconte un truc de la journée. Très vivant. J'adore. Oui, je suis d'accord. Mais c'est super... Même dans l'étude de Lana Del Rey, elle raconte des trucs. C'est vachement bien, Lana Del Rey. C'est spécial, hein. Moi, j'aime bien. Truc. Elle raconte des trucs. Ton père, il joue comme, je sais pas qui, Billy Joel. Enfin, c'est des trucs personnels, j'aime bien. Oui, très journal. Oui, très journal. Très chronique de ma vie. Oui. Mais c'est bien aussi, parce que les gens se retrouvent là-dedans. Bien sûr. Mais c'est personnel. En tout cas, déjà, les gens ressentent la sincérité. Ouais. C'est-à-dire, les gens ressentent, même s'ils ne l'analysent pas, même des gens qui dont c'est pas la langue maternelle, ils vont recevoir quelque chose qui est spontané, qui est simple, spontané, qui n'est pas l'objet de 27 réunions marketing, de mais oui, mais si on fait ci, si on fait ça, etc. Ils reçoivent cette chose vraiment, tu vois, de pure, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est pas un jugement sur la personne, mais la manière de créer. Mais trouves-tu que dans la musique, il y a aussi... Un accent, c'est-à-dire que quand une musicienne asiatique te propose quelque chose, c'est vraiment pas le même son que si une musicienne anglaise. C'est sûr. Tu l'as beaucoup plus expérimenté que moi. Les mélodies japonaises, elles sont japonaises. Et les trucs français marchent pas au Japon. Et les trucs japonais marchent pas ici. Donc c'est vraiment, ils ont une oreille, en plus, ils entendent des choses que nous. Mais toi, dans l'écriture, quand tu entends une musique qui est d'un autre pays, est-ce que tu vois les mêmes mots qui gravitent autour ou... Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion d'écrire sur la musique d'un musicien japonais à l'heure qu'il est. Ah si, je te dis une bêtise, je l'ai fait deux fois. Oui, donc... J'aime Delphine Seyrig, l'âme à drague, les films en noir et blanc. J'aime Diana Rigg, Copenhague, et oui, je suis souvent radical, chic. Une rose qui implose, radical chic, prends la pose. Oh mon petit flamant rose, tu métamorphoses toutes choses dans ma vie. J'aime ceux qui naviguent dans le vague. On ne peut plus s'ayant. Radical chic, si tu l'oses, une dose de grandiose. Radical chic, ça s'impose. Symphonie qui se compose, une apothéose virtuose de la vie. Radical chic, just because. Radical chic, si tu l'oses. Radical. Alors, effectivement. Ah, ok. Non, parce que j'ai fait avec des musiciens. Ah oui, t'as fait avec coréens, avec la chanson de Acapulco. Oui, absolument. Ça, c'est avec des coréennes, absolument. Avec deux chanteuses coréennes, j'ai fait. Et aussi, effectivement, j'ai fait aussi deux chansons avec un musicien japonais, Toshiya Fuoka, et sur ses musiques. Donc, autant pour moi, ça m'était sorti de la tête. Mais oui, je confirme ton intuition, c'est-à-dire que, et ce que dit Clémentine, à savoir que oui, le phrasé d'une mélodie est en rapport avec la langue du compositeur. Donc, dans une mélodie japonaise, il y a déjà l'intuition, enfin, les plis de la langue japonaise. Ah voilà, ok. Alors l'écriture va glisser là-dedans. Et c'est vrai avec l'italien aussi. Ouais. Regarde les mélodies qui nous viennent d'Italie. Ouais, c'est rien à voir avec l'écriture française. Tu vois, il y a une couleur, il y a une texture. J'ai vu le Nanni Moretti hier. Tu l'as vu, il est vachement bien. D'accord. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Bien. J'ai écouté le nouveau par le Conte. Ah, il y a un nouveau? Ah bon? Oui, oui, oui. Ouais. Et alors? C'est très bien. Ah oui? Très bien, oui, oui. Mais il est revenu aux sources, il est revenu uniquement piano-voix. Mmh. Avant, il y avait beaucoup d'orchestration. Ouais. Et c'est, ben, je ne peux pas dire les paroles là, parce que c'est en italien, mais pour ce qui est de la consonance, la voix a changé aussi. Oui. Elle est plus solide, elle est plus gutturale. C'est vraiment très, très bien. Forcément, j'écouterai avec plaisir. J'ai toujours bien aimé. Mais, comment t'écris quand la musique vient d'ailleurs? Eh bien, ça ouvre de nouvelles portes, c'est ça qui est intéressant. Tu vois ce que j'essayais d'exprimer sur le fait que travailler avec des interprètes, pour des interprètes, ouvre des portes dans mon esprit. Donc, et me permet de poser d'autres idées, trouver des choses. Ben, c'est un peu pareil avec si une mélodie vient d'un autre bassin culturel, un autre univers, donc. Elle est porteuse déjà d'une autre vision couleur. Du monde. Oui, bien sûr. Elle induit un angle, tu vois, et ça ne peut que m'enrichir, ça peut que ouvrir mes perspectives. Il n'y a absolument rien à perdre, il y a tout à gagner. Est-ce que dans ton... J'aimerais beaucoup, excuse-moi Rénal, j'aimerais beaucoup le faire davantage. Ouais. Là, avec des gens vraiment de pays très différents. Là, tout de suite, on parle de l'Asie, mais d'autres, voilà. Il y a des logiques différentes. Il y a des logiques différentes quand Robson compose. Robson est brésilien. Quand il compose, bien sûr, ça sort jazz brésilien avec des harmonies. Il n'a pas, il n'y a pas un phrasé français dans sa mélodie. Non. Voilà. Non, c'est vrai. Et le fait de s'adapter à ça m'intéresse. Ouais. Alors, pour voir à toutes les mélodies, C'est-à-dire que il m'est arrivé d'avoir à essayer d'écrire sur des mélodies de gens qui font de la chanson française, t'as du mal, hein. C'est comme il faut, etc. Et, tout. Et en fait, je trouve que ça m'ennuie un peu. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour du propriétaire. C'est pas mal d'aller explorer un peu. Alors, vous avez beaucoup de projets ensemble? On a des projets, oui. Alors, là, on va le faire ensemble. Et puis, je pense que, il me semble que que c'est un début que j'ai pas tout dit, c'est-à-dire que... Oh non, t'as bien fait encore plein de choses. Ah ouais, des trucs marrants en plus, un peu fou. Hein. Moi, je suis pas toujours, le mec qui va faire comme ça des étincelles du premier coup. On a fait des photos ensemble, par exemple, la première série de photos qu'on a faites, je m'étais déçu de moi-même, pas... Mais c'est comme ça, je sais, j'ai l'habitude. C'est pas forcément du premier coup que je réussis. C'est comme ça, c'est vrai. Chacun son mode. Et donc je suis certain que je peux avoir encore des idées. Parce qu'il fait des photos aussi. Il fait plein de choses. Et voilà, que dans le processus, dans le temps, quelque chose peut mûrir d'encore mieux, je crois. Alors, en touchant à plusieurs arcs, tu peux laisser la musique pour faire de la photo, tu peux laisser la photo pour écrire des paroles, tu peux... Ben, je peux rien laisser. Ah non, ok. Alors, tu s'embrasses tout en même temps. Jack of all trades. Mais c'est pas. Alors, ça a des défauts aussi, cette chose-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe sa vie à chanter, qui est très focalisé sur sa voix, etc., va devenir un meilleur chanteur que moi. le temps qu'on y passe, il y a un bénéfice. Oui, mais tu peux pas être... Tu t'es pas mis ça dans la tête. Par exemple, non, jamais. Bon, ah ouais, mais quelqu'un qui passe toute sa vie sur la photo aussi va arriver à une excellence. Oui, mais ça aussi, c'est ce qui te plaît, c'est d'être ça. C'est très japonais, ta façon d'être. Je crois. Mais les Japonais, ils sont journalistes et ils font des trucs. C'est très japonais. Bon, c'est ici que c'est un peu. Ouais. Cette conformation d'esprit. Bah oui. Bon, voilà. En sachant que oui, c'est vrai, quelqu'un que. Un sportif qui fait, qui répète 100 fois le même geste. Qui fait le même geste. Sportif. Il a. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Là, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter Beaucoup d'enfants. Oui, c'est encore ça. Des petits. Bah oui, c'est un peu ça. C'est absolument. Des petits enfants, des singles. Absolument. C'est vrai. Oui. Bah, des belles inspirations. Ouais. Voilà. Des belles inspirations. Comme pour tout artiste des rencontres. Voilà, c'est très bien s'il y a les arrangements d'Albin de la Simone, c'est très bien, c'est bien, les ouvertures. C'est des rencontres, et puis humainement il est sympa, hein, oui. Le, oui. Très simple. Ils sont très simple. Très simple. Très simple. Hein, ouais. Tout. Ouais. Je l'ai rencontré il y a 8 ans. Ouais. Ouais. Puis il préparait un album et on parlait de comment placer les chansons sur un disque. Ah ouais. Et lui, le plus difficile, puis encore aujourd'hui, c'est de s'arrêter, d'arrêter la chanson. Ah oui? Parce que là, il veut toujours rajouter des choses. Ouais, je comprends. Puis il faut mettre un point final. Oui, c'est comme un peintre. Un peintre. Il faut à un moment donné qu'il arrête de mettre de la peinture, ouais, des couleurs. Oui, là, du tableau. La chevelure. Ouais. La chevelure. Et pour lui, c'est encore beaucoup de travail. Ouais, ouais. Bon, il a bien fait hein, sur le dernier. Oui, c'est... mais il ne voit pas le moment de s'arrêter. Mm. Donc, c'est les autres qui lui disent non, non, ouais, arrête. Mm. Non, on va, mais surtout que lui, il travaille dans son studio, donc ça ne lui coûte pas très cher. Ah bon? Ouais, non mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il aime enregistrer dans un vrai studio, il m'a dit Ferber, tout ça, tu vois, il aime bien. Ah mais peut-être que pour lui-même, peut-être que lui, c'était des maquettes pour lui. C'est ça, mais, peut-être. Ouais. Mais il a fait beaucoup de belles choses, donc oui. ça ne peut qu'être le suivi. Qu'est-ce qu'il y a? Obama. La vie dans le cœur des fruits qui bat si fort, revient et oublie. La vie diverse, éblouie. Une feuille qui sort des cendres, je dis mystère. Cosmos infini, la terre. J'espère encore un quadri. I twist again sur la déchirure, les blessures. I twist again sur les ptérodactyles à Tchernobyl. Alors, ben merci de votre présence. Bah, merci, et puis, ça m'a fait plaisir. Puis Pierre, on va se revoir au Québec. Ah, ben, tu veux y aller au Québec? Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé. J'aimerais bien. Ça fait combien de temps? 20 ans. Oh. Ah, ouais. Donc, oui. Tout a changé. J'avais vu Joran sur scène. Oui. Et la première fois que j'étais venu, c'était pour un salon du livre à Montréal, oui. Où un éditeur qui avait peur de l'avion, un ami éditeur qui avait peur de l'avion, mais qui était invité au salon du livre, m'avait envoyé à sa place. Oh, c'est bien. Ouais. Et c'était au, fin novembre, je crois, et le froid, bien que... Évidemment, je m'étais préparé, hein, je n'étais pas venu en chemise hawaïenne. Mais malgré tout, le froid m'avait saisi. Mais même le temps a changé. Puis actuellement, là, depuis 3 semaines, Montréal est l'endroit le plus pollué au monde. Ah bon? À cause des feux. Ah oui, c'est, ah oui, vrai. C'est vrai. Puis les feux arrivent même ici. La baie James pousse le vent. Le vent pousse la fumée jusqu'ici. Donc imagine Québec. Non, mais on t'en veut pas. Non, merci. Mais je suis pas fumeur, donc je m'en tiens pas rigueur. Et puis merci. Hein. Ben avec plaisir. Puis surtout que c'est mon dernier passage à Paris. C'est officiel, ça? Ah, c'est officiel. Pourquoi? Oui. Ben parce que je veux pas renouveler mon passeport. Ah. Je veux préparer la maternité. Ah, c'est aussi fou, mais... Bah, tu pourrais aussi bien prendre ta retraite ici, là, tu sais. Ouais, mais j'ai pas les moyens financiers. Ah oui, c'est cher, ici, c'est vrai. C'est très cher, ouais. C'est la mieux là-bas. Ah ouais. Mmh. Mais donc, c'est un choix. Ça se termine au mois de mai, mais tu peux pas voyager 3 mois avant la fin de ton, ah. Oui. De ton passeport. Ça dépend des pays, non? Ben, chez nous. En tout cas, chez nous, ailleurs, je sais d'accord. Pas. Ouais. Puis, j'en parlais hier à Nicolas Vidal, puis il m'a dit que ah ben c'est bizarre que tu me dises que toi tu veux pas renouveler. Moi je m'en vais le renouveler là, parce que son mari habite aux États-Unis, donc il va refaire lui. Ouais. Oui. Ouais, très bien. Alors quel est le dernier jour de ta présence en France? Alors il faut qu'on vienne te dire au revoir. C'est dimanche. Dimanche prochain? Oui. Dimanche 9, alors c'est oui, ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu termines ici? Ici où? Au Bruant, tu fais? Non, parce que moi, le Bruant, c'est le matin. Ah ouais? Alors, t'es où le soir? Je peux être partout, mais je te tiendrai au courant. Ouais, dis-nous. Dis-moi, je suis à côté. Ok, ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est les rendez-vous des abbesses. Ben, en fait, mon avion part le dimanche, mais à 21h. Ah ouais, d'accord. Donc, j'ai du temps. Ok. Bon, ben, voyons-nous le jour de ton départ. Okay, ça me ferait plaisir. Ok, parfait. Ok, on prendra un verre d'eau. Oh oui, c'est folie. Merci à vous. Ah, puis c'est moi qui règle. Non, c'est moi. Rénal. Tu sais que l'année dernière, c'était la même. Ah non, l'année dernière, c'est vrai, c'était chez toi. Chez moi. Avec Pet War Moon, c'est qu'on a fait chez moi. Oui. C'est vrai. Puis l'année avant, c'est le spectacle que tu avais organisé. Qu'est-ce que j'ai organisé comme spectacle? Un mini-spectacle de tes chansons. De marionnettes? Non, ben presque. Non, de tes chansons. Des claquettes? T'avais... Oui, mais écoute, c'est avant la COVID, OK? Tu as organisé un mini-spectacle avec tes chansons à toi. Et puis, tu avais... Avec Paul. Oui, Paul. Avec mais... Paul à la oui, maison. Oui, Paul, et... Paul Abirachet, oui. Et puis, tu avais fait une chanson de Gainsbourg et c'est à la suite de ça que ça a cogité. Absolument, que c'est vrai. Oui. C'est vrai, tu te souviens bien, bravo. Effectivement, on avait fait, je sais plus, on avait fait la chanson de Prévert, ouais. Classique. Mais on avait eu beaucoup de plaisir à la faire. Paul aimait beaucoup la jouer, j'aimais bien ses couleurs, etc. Et c'est vrai, ça a donné une idée. Et voilà. Et voilà. À la voyure. À la voyure. Sa jambe droite lui faisait mal.